Jean chapitre 13. Or, avant la fête de Pâques, Jésus sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, comme il avait aimé les siens, qui étaient au monde, il les aima jusqu'à la fin. Et après le souper, le démon ayant déjà mis au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, de le trahir. Et Jésus sachant que le Père lui avait donné toutes choses entre les mains, et qu'il était venu de Dieu, et s'en allait à Dieu, se leva du souper, et ôta sa robe, et ayant pris un linge, il s'enseignit. Puis il mit de l'eau dans un bassin, et se mit à laver les pieds de ses disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Alors il vint à Simon Pierre, mais Pierre lui dit, « Seigneur, me laves-tu les pieds ?» Jésus répondit, et lui dit, « Tu ne sais pas maintenant ce que je fais, mais tu le sauras après ceci. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement mes pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé, n'a besoin sinon qu'on lui lave les pieds, et alors il est tout net, or vous êtes net, mais non pas tous. » Car il savait qui était celui qui le trahirait, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tout net. » Après donc qu'il eut lavé leurs pieds, il reprit ses vêtements, et s'étant remis à table, il leur dit, « Savez-vous bien ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc moi, qui suis le seigneur et le maître, j'ai lavé vos pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que, comme je vous ai fait, vous fassiez de même. En vérité, je vous dis, que le serviteur n'est point plus grand que son maître, ni l'ambassadeur plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes bien heureux, si vous les faites. Je ne parle point de vous tous, je sais ceux que j'ai élus, mais il faut que cette écriture soit accomplie, qui dit, celui qui mange le pain avec moi, a levé son talon contre moi. Je vous dis ceci dès maintenant, avant qu'il arrive, afin que quand il sera arrivé, vous croyez que c'est moi que le Père a envoyé. En vérité, je vous dis, si j'envoie quelqu'un, celui qui le reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Quand Jésus dit ces choses, il fut ému dans son esprit, et il déclara, et dit, en vérité, je vous dis, que l'un de vous me trahira. Alors les disciples se regardaient les uns les autres, étant en perplexité duquel il parlait. Or un des disciples de Jésus, celui que Jésus aimait, était à table en son sein. Et Simon Pierre lui fit signe de demander, qui était celui dont Jésus parlait. Lui donc étant penché dans le sein de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce ? » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Ayant trempé le morceau, il le donna à Judas Iscariot, fils de Simon. Et après le morceau, alors Satan entra en lui. Jésus donc lui dit, « Fais bientôt ce que tu fais. » Mais aucun de ceux qui étaient à table, ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Car quelques-uns pensaient qu'à cause que Judas avait la bourse, Jésus lui dit, « Achète ce qui nous est nécessaire pour la fête, ou, qu'il donne quelque chose aux pauvres. » Après donc que Judas eut pris le morceau, il partit aussitôt, or il était nuit. Et comme il fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Que si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en soi-même, et même bientôt il le glorifiera. Mes petits enfants, je suis encore pour un peu de temps avec vous, vous me chercherez, mais comme j'ai dit aux Juifs, que là où je vais ils n'y pouvaient venir, je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un nouveau commandement, que vous vous aimiez l'un l'autre, et que comme je vous ai aimé, vous aimiez aussi l'un l'autre. En ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour l'un pour l'autre. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne me peux maintenant suivre, mais tu me suivras ci après. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne te puis-je pas maintenant suivre, j'exposerai ma vie pour toi. » Jésus lui répondit, « Tu exposeras ta vie pour moi. En vérité, je te dis, que le coq ne chantera point, que tu ne m'aies renié trois fois. »